Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 4 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Odilon, ça vient du germanique signifiant richesse. Équilibre et harmonie se dégagent de leurs personnes qui possèdent au demeurant un certain charme. Soucieux de leur apparence, les Odilons cherchent à plaire et sont prêts pour cela à déployer conciliation, intuition, adaptation, charme, séduction et savoir-faire. Ils savent se montrer intelligent, enthousiaste et communicatif. Il manie avec aisance une dialectique souple, possède de la vivacité d'esprit, de l'astuce teintée d'une pointe d'humour. Fiers, nerveux, il leur arrive fréquemment d'être satisfaits d'eux-mêmes. L'orgueil est souvent leur principal travers avec la susceptibilité et les petites crises de colère qui en découlent. La curiosité est chez eux une arme à double tranchant car si elle leur confère un côté éclectique et brillant, elle les pousse à une certaine instabilité. Ils sont souvent esthètes, raffinés et peuvent manifester un sens artistique certain, à moins qu'ils ne vivent leur cycle karmique dans un besoin de confort ou de sécurité familiale. Dicton du jour, brouillard en janvier, année ensoleillée. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du braille et en Birmanie c'est la fête de l'indépendance. Ça s'est passé un 4 janvier en 1863, un brevet d'invention était accordé à James Plington de New York pour les fameux patin à roulettes. En 1896, l'Utah devenait le 45e État américain. 1948, indépendance de la Birmanie. En 1972, c'était la première émission des chiffres et des lettres. En 1985, première en France du téléfilm Château-Vallon. Et en 2017, Robert Marchand établissait le record de l'heure en cyclisme sur piste dans la catégorie des plus de 105 ans. Et oui, vous m'avez bien entendu, 105 ans. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec REM et leur titre Losing My Religion. Brought me to my knees, pale. What if all REM sur RGM. Il est un peu plus de 8h37. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 4 janvier 1957. Naissance de Joël Batz, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1974 à 1992 en jouant à Sochaux, Auxerre et au PSG. En équipe de France, il a remporté le championnat d'Europe en 84 et la Coupe intercontinentale en 85. Il a été de 2000 à 2017 l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais. 1958, naissance de Julian Sands, acteur britannique vu dans Le Fantôme de l'Opéra, Ocean's 13 dans le rôle de Greco Montgomery, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, dans les séries 24 heures chrono, Smallville dans le rôle de Jor-El, Dexter ou encore The Blacklist. C'est également l'année de naissance de Gary Jones, acteur gallois connu pour son rôle du sergent-chef Walter Harriman dans les séries Stargate SG-1 ainsi que Stargate Atlantis. 1960, naissance de Michael Stipe, chanteur américain du groupe REM. 1962, naissance d'Harlan Coben, romancier américain. Dans ses livres, on peut citer « Rupture de contrat »,« Ne le dis à personne »,« Une chance de trop »,« Juste un regard ».« Ne le dis à personne » a été adapté au cinéma, c'était réalisé par Guillaume Canet. « Une chance de trop » a été adapté en mini-série télé, tout comme « Juste un regard ». Et à noter qu'Harlan Coben a créé aussi les séries The Five en 2016 et Safe en 2018. 1965, naissance d'Yvan Attal, acteur, réalisateur, scénariste français. Vu dans Un monde sans pitié, dans le rôle d'Alperne, récompensé par le César du meilleur espoir masculin. Delphine 1, Yvan 0. Mes amis, ma femme est une actrice dans le rôle d'Yvan. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants dans le rôle de Vincent, dans Munich, dans le rôle de Tony, dans Rush Hour 3, dans le rôle de George, Le bal des actrices, Don't Disturb, Red Dang ou encore Rock'n'Roll. Scénariste des films Ma femme est une actrice et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Réalisateur de Ma femme est une actrice, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ainsi que Don't Disturb. C'est également l'année de naissance de Guy Forget, ancien joueur de tennis français, ayant fait carrière de 1982 à 1997. A noter qu'en simple, il a été numéro 4 mondial en 91, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon, 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 3 mondial, c'était en 86. Il a été deux fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. A noter qu'avec l'équipe de France, il a gagné deux fois la Coupe Davis, c'était en 91 et 96. Il a également remporté une World Team Cup, c'était en 1986. A noter également qu'il a été capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Et depuis 2016, il est directeur du tournoi de Roland-Garros. 1966, naissance de Sandrine Alexis, humoriste française, connue notamment pour être imitatrice des guignols de l'info. 1979, naissance de Lincha, chanteuse française. 1989, naissance de Gustavo Lima, chanteur brésilien. 1990, naissance de Toni Kroos, footballeur allemand, qui de 2007 à 2014 a joué au Bayern de Munich, même si entre 2009 et 2010 il a été prêté au Bayern Leverkusen et depuis 2014 il joue au Real Madrid. 1960, décédé Albert Camus, homme de lettres français, prix Nobel de littérature en 1957. Dans ses œuvres principales, nous pouvons citer L'étranger, Caligula, La peste ou encore La chute. En 2015, décédé Claude Chamboissier, dit Framboisier, chanteur français ayant fait partie du groupe Les Musclés, hein, qu'on pouvait voir dans le club Dorothée. Et on va s'écouter un extrait de La fête au village, en hommage. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. Yeah. La fille du pharmacien nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. Voilà pour l'extrait donc de la fête au village hein, des Musclés. Et en 2016, on apprenait le décès de Michel Galabru, acteur français vu dans La Guerre des Boutons dans le rôle du père Bacaillé, le bon roi Dagobert dans le rôle de Pépin le Bref, connu pour son rôle de l'adjudant Jérôme Gerbert dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie, Le Gendarme en balade, Le Gendarme et les extraterrestres, Le Gendarme et les gendarmettes, vu dans Angélique et le roi, le petit baigneur, les Bidas en cavale, le juge et l'assassin dans le rôle du sergent Joseph Bouvier, récompensé par le César du meilleur acteur, vu également dans La Cage aux Folles 1, 2 et 3 dans le rôle du député Simon Charrier, vu aussi dans Flic ou Voyou, Le Guignolo, Les Sous-doués, Papy fait de la résistance, Subway, Les Frères Pétard, Astérix Obélix contre César dans le rôle d'Abra Raccourcix, le chef des Gaulois, Bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle du grand-oncle de Julie, ou encore le petit Nicolas dans le rôle du ministre de l'Éducation. Filmographie très impressionnante. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Lincha en duo avec Didi sur le titre « Homme-femme ». Possessives et entêtées, vous les femmes, toujours en train de crier, vous les femmes, sans cesse en train de fouiner, vous les femmes, parano et trop stressées. Vous les hommes, constamment en train de mentir, vous les hommes, pour sortir ou pour nous fuir. Kencha et Didi sur le titre Homme-Femme sur le 107 FM. Il est presque 8h48 et bien il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, la journée a commencé sous les nuages, avec même un peu de brouillard par endroit, mais les nuages sont en train de se dissiper. Hein. Je peux voir par la fenêtre que le soleil est en train de percer, et normalement ça va rester comme ça hein, pour aujourd'hui. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 1 et 2 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, eh bien, ce sera de la neige et de la pluie, alors de la neige plutôt en matinée, qui va au fil de la journée se transformer en pluie au fil des instants et des minutes, hein, des températures qui vont augmenter. Pour samedi matin, ce sera entre moins 1 et 0 degrés. Et pour samedi après-midi, plutôt entre 1 et 2 degrés. Et pour dimanche, ce sera principalement des nuages avec peut-être quelques flocons de neige encore à prévoir. Voilà pour la météo. Il est temps maintenant de passer à l'actualité sportive. Et on commence avec le tennis à Doha, l'élimination d'Herbert en 2-7 face à Berdych, 6-2, 6-4. Djokovic s'est qualifié en 3-7 face à Basilashvili, 4-6, 6-3, 6-4. Et Bautista Agut s'est imposé en 2-7 face à Stan Wawrinka, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Djokovic affrontera Bautista Agut et Cecchinato sera opposé à Berdych. À Pune, le duel franco-français entre Gilles Simon et Benoît Paire a tourné à l'avantage de Gilles Simon qui s'est imposé en 3-7. 3-6, 7-6, 6-4, le Français affrontera aujourd'hui Anderson. Et à Brisbane, aujourd'hui, Joe Wilfried Tsonga affrontera Demi-Nord. Et à noter qu'en Hopman Cup, la Suisse est qualifiée pour la finale hein, grâce à Roger Federer qui a battu le grec Tsitsipas. Un mot de hockey sur glace avec la Détroit, c'est la reprise pour le HC. Samedi soir à la patinoire de Poissompré à 18h pour affronter l'équipe de Reims. Et on va parler football avec les 32e de finale de la Coupe de France qui ont lieu tout ce week-end. Aujourd'hui, c'est le Grenoble Foot et Strasbourg qui ouvrent le bal avec Nantes contre Châteauroux. Samedi, il faudra suivre Raon-l'Étape à Croix. Nancy se déplacera à Le Puy et Metz se déplacera à Saint-Quentin. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Gustavo Lima et son titre « Balada ». Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Na madrugada dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar.